est présent depuis 2006. C'est pas un album, c'est pas un maxi, ça n'aurait même pas dû sortir. Mais quand je vois ce que le rap est devenu, j'ai repris la plume, j'ai recherché la profondeur, et je viens tirer les signaux de détresse. Ayant, je reprends la plume, la vraie, concentrée profonde. J'ai vu notre argent désœuvrer pour un peu de pognon. Parce que le rap, l'ami, ça reste une musique populaire. Trop d'MC n'ont plus de message et ont commis l'adultère. Ce projet, tu peux l'appeler comme tu veux. Pour moi, c'est une mise au point avec tous les envieux. Ça ne serait même pas sorti si les rappeurs seraient restés vrais. Je me contenterai de rimeurs d'élite, car ça, je sais que ça t'est vrai. On veut du flow, des beats et des punchlines de barge. En gros, on veut retrouver notre sale rap. J'ai tiré les signaux de détresse. C'est un appel au MC qui savent encore kicker avec adresse. Parce que la frère, c'est devenu beaucoup trop grave. Vocodeur de merde, et ça chante sur des phrases sans âme. Mais le rap c'est pas ça, c'est des flots de l'adma. Des grosses rimes et voilà, le beat est dans le coma. On veut pas de contrat, tu le vois le contraste. Tiens pour faire des constats, et aujourd'hui mon constat, c'est la mort du peura. C'est la mort du peura. Donc, moi je dis, il faut sauver notre musique, ce son c'est le signal d'alarme. Que le rap business hallucine, qu'on pense des rimes de malade. Je veux entendre des punchlines, que les gens bougent leur tête. Sur des sons underground qu'on entend dans les caisses. Je veux faire passer des messages, même sans l'accès aux médias. Que nos sons tournent, même si on touche pas de milliards. Faut poser des freestyles, mettre les petits frères au bac. Que les tickets nous scratchent et que les rimes vous braquent. Ok, faut leur montrer que le rap n'est pas qu'un business. Qui nous représente partout et toujours, c'est notre putain d'art du flow, des rimes, un beat, un piano, des punchlines, du rap quoi, yeah.